en pensant qu'ils sont des savants et qu'ils sont des vrais savants et qu'ils sont dignes de confiance parmi les prêcheurs de la secte des frères musulmans. Et ils leur ont donné des fatwas qui ont été la cause de tout ce qui se passe en Syrie, comme meurtre et destruction. Alors que dans le même temps, les grands savants de la Sunna, enracinés dans la science, ordonnaient aux musulmans de patienter et de ne pas sortir contre le gouverneur. Et donc dans cette affaire, l'une des causes qui a mené les musulmans à cette situation est leur ignorance concernant les vrais savants. Et comme cela est connu, le musulman, dans les affaires importantes qui touchent la communauté, il se doit de revenir aux grands savants. Et l'un des problèmes que l'on rencontre à notre époque est que beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ne savent pas qui sont les grands savants. Et ce problème touche même certaines personnes parmi les gens de la Sunna. De plus en plus de frères et sœurs ne font pas la différence entre l'étudiant en sciences et le savant. Et ils ne font pas la différence aussi entre le savant et le grand savant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal, incha'Allah, à mentionner dans cette introduction certains noms parmi ces montagnes de science qui sont vivants à notre époque. Tout en sachant, ikhwani fillah, que cette liste ne contient pas tous les grands savants, mais plutôt certains d'entre eux. Nous avons par exemple l'éminent savant Al-Sheikh Salih Al-Sheikh. Nous avons aussi Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, qui sont tous les deux savants de Riyad. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Nous avons aussi Al-Sheikh Ubaid Al-Jabiri, Hafidahullah. Nous avons aussi Al-Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Nous avons aussi Al-Sheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, qui sont trois grands savants de la ville de Médine, en Arabie Saoudite. Et nous avons aussi le Mufti d'Arabie Saoudite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, et bien d'autres encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos grands savants. Donc l'auteur, il nous dit, le quatrième fondement est l'explication de ce qu'est la science et le fiqh. La science est le contraire de l'ignorance. Et l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a défini la science comme étant la connaissance de la guidée avec sa preuve, c'est-à-dire sa preuve du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le savant est celui qui connaît la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les preuves. Et ce qui est visé par la parole de l'auteur, c'est les savants de la religion et non pas les savants de la vie mondaine, tels qu'une personne qui est savante dans l'industrie. Et les savants nous mentionnent un point important concernant la science lorsqu'elle est mentionnée dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la science ou bien l'éloge des savants, ce qui est voulu par cela, c'est la science religieuse et les savants de la religion. Et ceci est pareil pour la sunna. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge de la science ou des savants, ce qui est voulu, c'est la science religieuse et les savants de la religion. Contrairement à ce que peuvent dire certains ignorants à ce sujet, car certains d'entre eux disent que ce qui est voulu aussi par ces textes, ce sont les savants de la vie mondaine et les sciences mondaines, et ceci est faux. Et le grand savant Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné que les savants sont de trois catégories. La première catégorie de savants est celui qui est savant concernant Allah subhanahu wa ta'ala et ses ordres. C'est-à-dire qu'il connaît ce qui est permis et interdit. Il connaît les jugements. Et en même temps, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, l'aime et l'immensifie. La deuxième catégorie de savants est celui qui est savant concernant Allah. Mais il n'est pas savant concernant ses ordres. C'est-à-dire qu'il craint Allah, il aime Allah et l'immensifie, mais il n'a pas une large connaissance de ce qui est interdit et ce qui est permis. Et également, il n'a pas une large connaissance dans les jugements. Donc cette catégorie de savants, on revient à eux dans ce qu'ils connaissent et dans ce qu'ils maîtrisent. Et la troisième catégorie de savants est celui qui est savant concernant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas savant concernant Allah. C'est-à-dire qu'il a une vaste connaissance de ce qui est permis et interdit. Il a aussi une vaste connaissance des jugements. Il connaît les différents avis juridiques, mais il ne craint pas Allah. Il ne met pas sa science en pratique. Et les pieux prédécesseurs ont blâmé ce type de savant jusqu'à l'appeler le savant pervers. Donc ils ont la science, mais ils ne mettent pas leur science en pratique. Et il n'y a pas de doute qu'on doit délaisser cette catégorie. Donc l'auteur, il dit le quatrième fondement est l'explication de ce qu'est la science et le fiqh, et de qui sont les savants et les fuqaha, ainsi que ceux qui s'apparentent à eux, alors qu'ils n'en font pas partie. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ce fondement au début de la sourate al-Baqarah à partir de sa parole. Donc ensuite il a mentionné deux versets dans sourate al-Baqarah. Il a mentionné à peu près du verset 40 à 47. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la différence entre les vrais savants et ceux qui se font passer pour des savants. Allah nous mentionne cela dans les versets 40 et 47 de sourate al-Baqarah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens « Et ne soyez pas les premiers à le renier », ceci est une caractéristique des gens qui se font passer pour des savants, car ils ne suivent pas la vérité, au contraire des vrais savants qui eux la suivent. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, « Ne mêlez pas le faux à la vérité » et ne cachez pas sciemment la vérité, ceci est une caractéristique de ceux qui se font passer pour des savants, car ils mêlent le faux à la vérité. Car s'ils seraient venus avec quelque chose qui était à 100% faux, les gens n'auraient pas accepté leurs paroles. Et donc pour tromper les gens, ils mêlent le faux à la vérité. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit que l'innovateur recouvre son innovation par quelque chose de la vérité. Donnons certains exemples. Lorsque tu vas conseiller les gens qui font des invocations en groupe, et comme vous le savez, faire des invocations en groupe, après la prière par exemple, est une innovation. Lorsqu'on va les conseiller, ils vont mentionner en règle générale certains versets comme preuve à leur innovation. Pourtant, ces preuves n'ont rien à voir avec leurs innovations et n'appuient en aucun cas celles-ci. Ils vont citer par exemple le verset 41 dans Sourate Al-Ahzab, dans Sourate les Coalisés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira » Ô vous qui croyez, mentionnez abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont te mentionner ce verset, alors que ce verset n'est pas en lien avec leurs innovations. Tout ceci pour tromper les gens. Ou bien lorsque tu vas conseiller une personne qui rend celui qui fait des grands péchés mécréants, il va mentionner certains hadiths pour prouver cela. Comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Le fornicateur lorsqu'il fornique, il n'est pas croyant. Et donc tout ceci, Khwanifillah, nous montre la véracité de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah que l'innovateur recouvre son innovation par quelque chose de la vérité. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens du verset, observez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce sont des caractéristiques des vrais savants, car ils mettent leur science en pratique et font ce qui est obligatoire et surérogatoire. Et ils font des efforts dans les adorations, au contraire de ceux qui se font passer pour des savants. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, « Commanderez-vous aux gens le bien en l'oubliant pour vous-même, alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Ceci est une caractéristique aussi de ceux qui se font passer pour des savants. Car ils ordonnent aux gens le bien et ils ne le font pas. Et ils mettent en garde les gens contre le mal et eux le font. Et ceci est une chose connue chez eux. Prenons l'exemple, Ikhwan Ifillah, de certains prêcheurs parmi les frères musulmans. Il y a quelques années, ils disaient aux gens de partir combattre en Syrie et que c'était une obligation pour les musulmans d'aller les aider, alors qu'eux-mêmes n'y allaient pas. Et ils étaient tranquillement dans leur maison en sécurité. Et leur slogan à l'époque était « Qum Radir », c'est-à-dire « Lève-toi et pars ». Ils disaient aux musulmans « Lève-toi et pars, lève-toi et pars ». Mais pourtant, il était tranquillement chez lui. Et ceci nous montre que le fait d'ordonner le bien et de ne pas le faire, et de mettre en garde contre le mal et de le faire, ceci est une caractéristique de ceux qui se font passer pour des savants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, l'auteur, donc, il nous dit, ce fondement est d'autant plus clarifié par ce qui est mentionné dans la sunna à ce sujet, comme nombreuses paroles claires et explicites, même pour une personne ordinaire et simple d'esprit. En effet, ce fondement est mentionné clairement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la science et ses mérites, ainsi que les caractéristiques des vrais savants et les caractéristiques de ceux qui se font passer pour des savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de faire la différence entre les vrais savants et ceux qui se font passer pour des savants dans de nombreux hadiths, et notamment le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Après avoir tué ce grand nombre de personnes, il a voulu se repentir et il a demandé qu'on lui montre un savant pour qu'il puisse le questionner sur son cas. Et on lui a indiqué une personne. Mais en vérité, cette personne était un ignorant. Et lorsqu'il lui a demandé « Est-ce que je peux me repentir de ce que j'ai fait ?» Il lui a dit qu'il n'y avait pas de repentir possible. Et donc cette parole prouve son ignorance. Après cela, l'homme le tua. Malgré cela, il chercha encore à trouver un savant pour l'orienter et pour le questionner sur son affaire. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a indiqué un vrai savant. Et lorsqu'il questionna ce savant, il lui dit « Est-ce qu'il y a un repentir pour mes actions ?» Et le savant lui répondit qu'il y avait certes à repentir, et il lui a ordonné d'émigrer vers une autre terre, et qu'il y a des gens là-bas qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. et qu'ils devaient adorer Allah avec eux. L'homme partit repentant vers cette terre, mais il mourut en chemin, et les anges se le disputèrent. L'ange de la miséricorde et l'ange du châtiment se disputèrent concernant cette personne. Ensuite, Allah envoya un ange qui dit aux anges de mesurer la distance. Si elle est plus proche de la terre où il devait émigrer, alors c'est l'ange de la miséricorde qui allait s'en occuper. Et s'il était plus proche de la terre où il a commis ses péchés, alors c'est l'ange du châtiment qui allait s'en charger. Et lorsqu'ils ont mesuré, ils ont pu constater qu'il était plus proche de la terre où il devait émigrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde. Et les enseignements de ce hadith sont nombreux. Parmi eux, il y a le fait de suivre les directives des grands savants est une cause d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont mentionné certains de nos savants au Yémen, notamment l'éminent savant Cheikh Yassine al-Adani rahimahullah. Et il y a aussi dans ce hadith la dangerosité de ceux qui se prétendent être des savants. Car le premier savant a donné une fatwa par ignorance et il aurait pu être la cause d'un grand mal. Parmi les enseignements de ce hadith, il y a aussi le mérite de la hijra, mais nous avons déjà parlé de ce mérite-là dans la série de cours intitulée « Sur le chemin de la hijra ». Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans ce qu'il aime et agrée.